Exercice 8, page 116, Virelangue. Moins vous vous vous voyez, moins vous vous éloignez. Moins vous vous vous voyez, moins vous vous éloignez. Moins vous vous vous voyez, moins vous vous éloignez.